بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ما هي هذه الثلاث؟ صفة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين نعم ثبوتية والسلبية سلبية ما معنى سلبية؟ منفية نعم أحسنت وما هي الأكثر المذكورة؟ سيكون لك ثبوتية و ثبوتية لله عز وجل ثبوتية بعد هذا صفة الله عز وجل أو صفة ثبوتية صفة مدح صفات مدح وكمال أيضا صفات ديلوج دي بيرفكسيون توت et plus elles sont nombreuses et plus elles prouvent un plus haut encore elles donnent encore plus de perfection plus se diversifie أحسنت والتي بعدها الصفات الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين كذلك الذاتية والفعلية نعم ذاتية وفعلية والذاتية on les a divisées en deux elles-mêmes معنوية وخبرية نعم et comme on a dit ce taxime en réalité c'est un taxime qui a été établi de, non pas chez les salafs mais par les gens d'après il n'est pas moutada il a été posé pour des raisons mais les salafs avant ils ne divisaient pas entre le, ce qui était zati ce qui était fi'ali sifat c'est sifat tout pareil et en réalité tout le sifat même le nuzul il a tazel يعني il est lazima lillah le wasf en lui-même le descriptif il est toujours lié à Allah azawajal même si il ne descend pas tout le temps c'est toujours lié à lui il a son sifat qadima il les a toujours eu طيب نواصل ان شاء الله ناخذ القاعده السادسه والسابعه باذن الله قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده السادسه sixième يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف lorsqu'on affirme les صفات on doit faire attention et prendre garde à deux grands dangers le premier c'est le tamthil le fait de chercher à représenter et le takif qui est le fait de chercher un comment Et de là, on en déduit que كل ممثل مكيف. Tout celui qui fait un tamthil est forcément mukayif. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'il fasse un tamthil, il a fait un comment ? Avant de faire donner un tamthil, donner un équivalent ou de représenter, il s'est cherché un comment. Après, il a fait une représentation. Mais pas le contraire. Ce n'est pas tout mukayif qui mumathil. Par contre, ils sont tous des mu'attila. Ils ont tous supprimé la sifat, même si lui voit que la sifat, elle est toujours là. On va dire, tu ne l'as pas donnée telle qu'elle est. Donc, tu l'as annulée de sa réalité. Donc, ce sont tous des mu'attila là. Et mais certains sont pires que d'autres. قال فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. Donc, c'est quoi le tamthil ? C'est que celui qui qui affirme la sifat, il l'affirme de façon à la représenter comme celle de la création. Il représente la sifat comme celle de la création. Et ça, c'est un irtiqad, une croyance qui est fausse, erronée, et qui est rejetée par le sam', les textes, et le aql, la raison. Amma sam'u faminhu qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay. Donc parmi les preuves, il n'y a rien qui est comme lui. Wa qawluhu ta'ala أَفَمَنْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ est-ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas ne vous rappelez-vous donc pas donc là le créateur forcément ne peut pas être comme la créature وَقُولُهُ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ est-ce que vous le connaissez un homonyme un équivalent dans les noms وَقُولُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ et qui n'a aucun exemple, il n'y a aucun équivalent. Il n'y a rien qui est comme lui. وَمَا الْعَقْلُ فَمِنْ وُجُوهِ là, il va citer comment la raison, elle-même, refuse cela. Sous plusieurs points de vue. الأول أنه قد علم أو علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. Donc il a été connu, d'accord, par la darura, qu'entre le khaliq et le makhlouq, le créateur et la créature, il y a une différence dans le zat, dans l'essence. Donc il y va de soi qu'il y a une différence également dans les sifat. Elles sont distinctes les unes des autres. لأن صفات كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتبينة في الذوات. فقوة طيب. Et cela également, chaque sifat est approprié au moussouf. Chaque attribut est approprié à celui à qui elle attribue. Elle lui va, elle va en harmonie avec la chose à laquelle elle attribue. Comme cela, mesalen, est apparent dans les sifat des mahloukat, dans leur essence. Avec les mahloukat dans leur essence, dans leur forme, tu vois qu'elles sont différentes. Fakouwat al-ba'ir, mesalen, aïl kouwat al-zirra. Mesalen, la force d'un chameau n'est pas celle d'une fourmi. فإذا ظهر تباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الأمكان أو في الإمكان والحدوث فظهور تباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. Donc maintenant, si justement cette distinction elle est claire entre les makhloukat, malgré leur similitude dans leur possibilité et dans leur activité, alors cette différence, cette distinction sera encore plus flagrante entre le créateur et la créature. الثاني من العقل دوزيام أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى ما يمكنه إلى من يكمله ويكمله. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص الحق إلا تنقص لحق الخالق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. Donc est-ce qu'il est possible que le Rab, le Seigneur, Créateur, qui est parfait sous tous les points de vue, puisse ressembler dans ses attributs à la création, qui elle-même est sous son contrôle, et qui elle-même est réduite, et qui elle-même qui a besoin de lui, et qui a besoin de celui qui va la compléter? Ça, le fait de croire cela, c'est un tanakus, ça c'est un manque de considération dans le droit d'Allah. Du créateur. Tu le rabaisses de son rang en faisant cela. Car le fait de ressembler une chose à une chose manquante, te rendra manquant toi aussi. Le fait de ressembler une chose à un défaut, il faudra que cette ressemblance sera un défaut pour toi aussi. Mais celle-là, il y a un exemple qui est donné dans un abiyat shi'riya. Alam tara anna saifa yankusu kudruhu iza qila inna saifa amda min al-asa. Ne vois-tu pas que l'épée, sa valeur est rabaissée lorsqu'on dit que l'épée est plus aiguisée que le bâton. Demain, tu dis que cette épée est plus aiguisée que ce bâton-là. Ouais. Est-ce que tu penses que tu auras fait, t'auras vanté cette épée? Hein? Non, le bâton, ça compte pas. Ah, ouais, c'est comme demain, je sais pas, t'es marié, tu es ta femme, tu es plus belle qu'un singe. Elle va pas te dire oui, tu m'as fait une belle comparaison, là. Tu vois, tu dis, tu es plus belle qu'un singe. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'elle va être vexée, tu vois. Elle va rigoler avec toi. Elle va dire, tu plaisantes. Tu dis, je suis très sérieux, ma falaine. Elle va être vexée, là. Tu me compares à ça, elle va dire. Tu m'aurais dit, je suis plus belle que, je sais pas, une chose qui est vraiment belle, qui est connue. Là, tu m'aurais dit, je suis plus belle qu'un singe. J'espère bien, tu sais, je suis plus belle qu'un singe, elle va te dire. Donc, hada min bab at-taqlib kadhalik. Al-thalith. أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. Dans les créatures, on constate qu'il y a des choses dont les noms sont communs, alors que leur réalité et leur comment diffèrent. فنشاهد أن الإنسان يدا ليس كيد الفيل ولو قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف. Donc on voit mathalan que la main de l'homme n'est pas comme celle de l'éléphant. Que l'homme il a une force et que sa force n'est pas comme celle mathalan du chameau. Bien que le mot est similaire, force, force, main, main. D'accord? Ça c'est une main, ça c'en est une autre. Même dans notre langue, en français on dit une patte. Pas un animal, on dit pas une main, mais c'est la même chose. Et ça c'est une force et ça c'en est une autre. Les deux on les appelle force. Alors qu'il y a, entre les deux, une distinction flagrante et claire dans la description. فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَ الْاتِّفَاقِ فِي الْإِسْمِ لَا يَلْزَمْ مِنْهُ الْاتِّفَاقِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالتَّشْبِيحِ كَالْتَمْثِيلِ وَقَدْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ التَّمْثِيلِ طَيِّبْ. On va reprendre ça après. Donc là, on voit que le fait qu'il y ait un lien commun dans la nomination n'implique pas une ressemblance dans le comment, ni dans la réalité. Ça, c'est pas l'azim. Ça, c'est pas l'azim. T'as même des créatures chez les koufars, ils donnent des noms d'êtres humains à des animaux. L'autre, il a un chien, il l'appelle Bernard. On va dire, c'est Bernard, c'est Bernard. Est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est un chien, ça, c'est un homme. Qala wa tajbir ka tamthil wa qad yufarraq baynahuma bayna tamthil et taswiyatu fi kulli sifat wa tajbir et taswiyatu fi akthar sifat. Donc, comment on peut différencier entre le tamthil et le tajbir? Tajbir, c'est le fait de faire ressembler. Le tamthil, c'est le fait de rendre équivalent sous tous les points, toutes les sifat, tous les attributs. C'est-à-dire, tu massiles cette chose-là, tu la rends comme celle-ci. Même une représentation, comme on dit. Et le tajbih, c'est tu fais ressembler dans la plupart des sifat. Alors, c'est pas forcément pareil, mais telle sifat, tu veux les rendre pareil. Un exemple comme les gens y font, chez les koufars, dans leur fiction, ils vont te faire un cyborg. C'est-à-dire un robot avec une apparence humaine. Ils vont faire un tamthil dans l'apparence. Le robot aura l'apparence de quoi? D'un être humain exactement. Ça, c'est du tamthil. Et des choses qu'ils ont inventées chez les anciens, chez les mythologies grecques, Messalène, ce qu'on appelle le centaure, si je ne me trompe pas. Ou comme ce qu'ils appellent le sagittaire, là. C'est un corps de cheval avec un buste d'homme. Ça serait plutôt quoi? Du tashbih. C'est-à-dire, il y a une partie, la plupart des sifats de l'homme vont être présentes, et le reste, ça va être autre chose. Le premier, il est totalement pareil, le deuxième, il a des sifats. Mais ces sifats-là qui ont été refaites, elles sont exactement comme celles de qui, à qui ils ont voulu faire ressembler. Ou la sirène, voilà, la sirène, par exemple. Ce qu'on appelle les sirènes et les odins, ou ondins, je ne sais plus comment ils appellent le mâle de la sirène. Une queue de poisson et un buste d'homme. Là, c'est juste pour que tu aies une image. Différencier entre le tamthil et le tashbih. Lakin at-ta'bir bin nafi at-tamthil awla li muwafiqat al-Qur'an. Donc nous, par contre, qu'est-ce qu'on emploie comme terme qui est plus proche au Qur'an? C'est tamthil. Le tashbih, il n'est pas venu au Qur'an, mais le sens, il est effectif, il existe. Mais dans le Qur'an, ce qui est venu, c'est tamthil. Comme a dit Allah Azza wa Jal, Laysa ka mithlihi shay. Il a dit mithlihi shay. Il n'a pas dit laysa lahu shabih. Wama at-takyif fa huwa an ya'taqid al-muthbit anna kayfiyat sifati Allah ta'ala kadha wa kadha min ghayri an yuqayyidaha min yuqayyidaha bimumathil. Wa hadha i'tiqad batil bi dalil as-sam' wal-'aql. Maintenant, c'est quoi le takyif? C'est que celui qui affirme cette sifat, il dit que le comment, il est comme ceci et comme cela. Le comment, il est comme ceci et comme cela, sans pour autant le donner comme une chose, le faire ressembler à une chose, mathalen, équivalente. Sans le faire pour autant ressembler à une chose équivalente. Donc cette croyance-là également, elle est fausse et rejetée par le sam ou l'aql. Amma sam, فَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Qui ne peuvent le concevoir. Vous voyez, ils n'arrivent pas à le cerner, c'est-à-dire le savoir que la création a, ne peut cerner le commande d'Allah Azza wa Jal. وَقَوْلُهُ وَلَا تَكْفُوا مَا لِسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science, car certes l'ouïe et la vue et le cœur, tout cela seront interrogés. ومن المعلوم ان لا علم لنا بكيفيه صفات ربنا لانه تعالى اخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فتكون كيفيتنا تكييفنا عفوا كفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الاحاطه به. Donc il est certain que nous n'avons pas de science du comment des sifat de notre Seigneur. car Allah ne nous en a pas informé. Donc ça veut dire que si nous on fait un taqif, on cherche un comment, on va tomber dans ce dont on n'a pas de science, comme le réprouve le verset. Et également, on va essayer de dire une chose de non pas cerner, que notre science ne peut cerner. Donc on tombe dans le marzour du premier verset. Donc ça c'est le sama. وَمَّا الْعَقْلِ فَلِيَنَّا شَيْءٍ لَا يُعْرَفُ كَيْفِيَةِ صِفَاتِهِ إِلَّا بَعْدِ الْعِلْمِ بِكَيْفِيَةِ ذَاتِهِ أَوْ الْعِلْمِ بِنَظِيرِهِ الْمُسَوَى لَهُ أَوْ بِالْخَبَرِ الصَّادِقِ عَنْهُ وَكُلُّ هَذِهِ الطُّرُقِ مُنْتَفِيَةٌ فِي كَيْفِيَةِ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَبَ بُطْلَانُ تَكْيِيفِهَا. Et donc le aql également, quand on ne peut connaître le comment d'une chose, si ce n'est après qu'on l'ait connu, et on l'ait connu son essence, son zat, sa forme. Ou alors qu'on ait une chose, qu'on ait la connaissance d'une chose équivalente. Ou alors qu'on ait eu une information précise de cette chose-là, pour qu'on puisse essayer de se l'imaginer. Tout cela, fi haqqillah azza wa jalla, c'est mustahil, c'est impossible, on ne l'a pas eu. Il ne l'a pas fait. وَأَيْضًا فَإِنَّنَا نَقُولُ أَيْ كَيْفِيَةٍ تُقَدِّرُهَا لِصِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ أَيْ كَيْفِيَةٍ تُقَدِّرُهَا فِي ذِئِنِكِ فَاللَّهُ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ ذَلِكَ. On dit également, comment peux-tu toi-même estimer le kayfiyya d'Allah? Son comment? Car quelle que soit la chose que tu essaies de t'imaginer, de concevoir, Allah est forcément plus grand et forcément plus immense que cela. Donc, comme on en a dit au début, tu auras fait un tartil. Sans même que tu t'en rends compte, tu n'auras plus le tartil. Toi, dis-moi, les sifat, je les connais. Parce que les gens, pour eux, le tartil, c'est quelqu'un qui annule le sifat. Mais qu'on lui a dit, il n'y a pas le sifat. Tu ne sais pas quoi c'est le tartil. Tartil, c'est Aoussar. Quelqu'un qui met une sifat, qui s'imagine qu'il fait le tamthil ou le tajbih ou le takif, il a fait le tartil. Qu'elle aura sorti la sifat de sa réalité. Cette réalité, il ne peut la concevoir. Donc il aura fait un tartil. قال واي كيفيه تقدرها لصفات الله تعالى فانك ستكون كاذبا فيها لانه لا علم لك بذلك وحينئذ نجيب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان وتقديرا باللسان وتحليلا بالبنان اي quel que soit le taqdir que tu fasses dans ton takif ou autre, tu seras un menteur en faisant cela, car ta conception sera l'opposé de sa réalité. Donc tu auras fait un mensonge. Donc il faut délaisser cela. D'accord ? Préserver ton corps, ton cœur et ta langue. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى اطرق رحمه الله تعالى براسه حتى على رخضاء حتى على رخضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب وسؤال عنه بدعة وروى عن شيخه ربيعة أيضا وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. Donc c'est pour cela que Malik, l'histoire connue, il est interrogé à propos de l'istiwa. Il a dit comment l'istiwa? Donc là il a dit, il s'est mis à prendre sa tête et la sueur a commencé à couler de son front. Il a dit l'istiwa, yani, il peut dire ma'aloum ou el majhoul. Il y a différentes riwayas. Il a dit l'istiwa est connu. Le kaif, le comment, n'est pas concevable. Et la foi en cela est obligatoire. Et la question à son sujet est une innovation. Et fut rapporté par elle de son cheikh Rabi'a, le même kalam. Wa qad masha ahlul ilmi ba'dahuma ala hadha al mizan. Wa idha kana kaif al ma'qulin wa lam yarid bihi ashar. فَقَدْ انْتَفَى عَنْهُ الدَّلِيلَانِ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ فَوَجَبَ الْكُفْ عَنْهُ. Donc là, les salafs, ils ont marché par la suite, cette même compréhension, cette même balance, par laquelle n'a été établi aucun dalil de la législation. Donc par là, ce takif a été rejeté par les deux adillah, qui sont ceux qui sont basés sur la législation et ceux qui sont basés sur la raison. قال فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلوص أو الخلاص منها. Donc il a dit prends garde au takif ou de tenter de te l'imaginer Car tu vas tomber dans une chose dont tu pourras te débarrasser par la suite. فإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالجا إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك قال الله تعالى وَمِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Donc maintenant, si tu vois que Shaitan t'incite à cela, mets dans ton cœur cette insultation qui t'amène à essayer de te faire un takif de ton Seigneur, Azza wa Jal, toi, comment tu fais? Tu reviens vers lui. Car c'est lui ton tabib. Et le tabib, Asma'illah, كذلك. Thabita jad fi hadith. Adi tasmiya jad fi hadith. استعيذ بالله وهكذا et comme c'est venu dans le hadith de Anas que Shaitan y vient et dit هذا خلقه الله وهذا خلقه الله فمن خلق الله il a dit quoi le Nabi صلى الله عليه وسلم فمن بلغ ذلك فليستعيذ بالله وينتهي celui qui voit cela qui dit qui a créé ceci qui a créé cela qui a créé ceci qui a créé cela et au final qui a créé Allah si t'as mis ta ibasta Allah qu'est-ce que tu fais tu cesses et tu recherches refuge auprès d'Allah عز وجل نفس يعني علاج après tu entends les wasawis et t'as pas fini donc ça c'était la qaïda as-sadisa de ce deuxième fossil qui est de prendre garde au takif et au tamthil قال القاعدة السابعة septième règle liée aux attributs صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها c'est comme l'autre que les sifat d'Allah Azza wa Jalla sont tawqifiyah basées sur un décret divin qu'il n'y a pas de place c'est-à-dire on ne peut les affirmer bil jazm par la raison bien que la raison les conçoit bien que la raison les conçoit فلا نثبت لله تعالى من الصفات الا ما دل الكتاب والسنه على ثبوته قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القران والحديث donc là on affirme pour Allah comme sifat que ce qui est une preuve tirée du kitab de la sunna l'imam ahmed رحمه الله تعالى il a dit que Allah n'est décrit que parce que c'est décrit lui-même ou parce que quoi l'a décrit son messager صلى الله عليه وسلم nous on n'a pas dépassé le coran ni le hadith on s'en tient à cela ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه. Maintenant ces preuves tirées du kitab de la sunna, il y a trois choses à en citer. Comment ils sont déduits? Je vais te le dire. Comment on en tire la preuve? الأول تصريح بالصفات كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما أو نحوها. Maintenant, première chose, comme on le déduit, qu'il y a eu une parole claire qui te le dit. Qui nomme cette sifat-là. Comme la izza, la puissance, la kuwa, la force, la rahma, la miséricorde, le botch, la saisie, le wajj, le visage, l'yaden, les deux mains. Un texte le dit clairement. Il te nomme la sifat telle qu'elle est. Athani, tadammon al-ism, laha, mithl, al-ghafour, mutadammin, lil-mahfira, wassamir, mutadammon, lil-sama. On a chou dhalika. On zoul la qaïda tathalithata fil asma. Deuxième point, on l'a pris au début, par le nom. Le nom d'Allah Azza wa Jal, on en tire quoi la sifat qui va avec? La salaine, si on te dit Al-Ghafour, quelle sifat on en déduit? Al-Maghfira, le pardon. Si on te dit Al-Samir, quelle sifat on en déduit? Al-Sama. Donc là, si tu as le nom, la sifat, tu peux la déduire. C'est un dalala, c'est un dalil. Wa thalith at-tasrih bil-fi'l aw wasf dalla 'alayha kal-istiwa 'ala al-'arsh والنزول الى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامه والانتقام من المجرمين ادل عليها على الترتيب et troisième chose qu'en fait tu as un tasrih qui a été fait par l'acte en lui-même que Allah te dit مثلاً il fait tel acte donc de cet acte là tu me dis la sifat comme l'istiwa sur le arsh. Si Allah te dit qu'il y a stawa l'arsh, tu dis quoi comme sifat l'istiwa. Le nuzul, Allah te dit qu'il descend. Il a pas dit mais sifati nuzul comme ça dans un texte. Tu dis yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala. comme a dit le hadith. Donc on a déduit quoi comme sifat? Al-Nuzul. Comme acte également, Al-Maji. Donc là, il te dit ton Seigneur, il vient. L'acte est donné directement. Donc, Izaja'a Rabbuka, ça veut dire quoi? Al-Maji min sifatihi. Al-Intikam ni Mujrimin. Que Allah se vengera des criminels. Donc là, on a dit quoi comme sifat? Al-Intikam. Al-Intikam. Naam, ou le fait de faire, comment on dirait, la vengeance, naam, ou de rétribuer la personne par le mal qu'il a, pour le mal qu'il a fait. Après, il donne les dalils de ce point qu'il vient de citer là. Qulu ta'ala ar-Rahman ala al-'arsh istawa. Le verset. Wal hadith, wa qulu an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya. Notre Seigneur descend au ciel de la dunya. Donc an-nuzul. Wa qulu Allahu ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Que ton Seigneur vient ainsi que l'ange, ils viennent en rang. Ma ya rabb saffan saffa. Ma ya rabb saffan saffa. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. C'est Benjamin. C'est pas ma folie HD. Et là, Safa, ça vient au Malak. Ça vient pas à Allah Azza wa Jal. Ils traduisent, ils viennent rang par rang. Ah, Hal. Hal. Ah ouais, Hal, c'est qui Aïwa. Wa qulu Allahu ta'ala. Inna min al-mujrimina muntaqimun. Inna min al-mujrimina muntaqimun. Certes, nous venger des mujrimin. Donc là, on en se déduit quoi comme sifat? Al-intiqam. Al-intiqam. Fahim ta'ala? Donc là, on a fini le deuxième fosse qui était relatif au sifat. On a pris le premier sur le asma. Pour le deuxième sur le sifat, Inch'Allah, la force est salice, Kawaid fi adillet et l'asma wa sifat. Sur les preuves des noms et attributs, et après il y aura des choubouettes auxquels il va répondre. Ce sera le quatrième fossil. Rabbi Hada, ça n'a cool que Menel Kitab, Inch'Allah Ta'ala. Il n'est pas long ce livre-là. Et en plus, nous on fait un char qui est Wajiz. On ne s'étale pas trop, on a khouz al-zubda, l'essentiel. Et c'est une approche. Fa'il la huna. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك